Vous êtes la brigade de la Malmort. Okay. Comme vous le savez, votre but en tant que médecin, du moins plus ou moins certifié selon certains, est d'œuvrer pour plus ou moins le bien face à cette maladie qui s'appelle la Malmort, qui du coup a plus ou moins envahi le royaume il y a quelques années de ça. Certaines régions sont plus touchées que d'autres, et apparemment ça serait le cas de la région que vous allez visiter aujourd'hui. Vous n'y allez pas par bonté de visite, hein. Vous y allez parce que la province de Saint-Voile, de son nom, ne donne plus de signes, tout simplement, à la couronne décidante de ce royaume. Par une certaine pression, par l'église, par le peuple, étant inquiet d'apprendre que peut-être que des régions entières disparaissent sous la maladie, il a été décidé finalement de quand même envoyer quelqu'un pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est du coup la brigade de la Malmort qu'on a convoquée, et la brigade de la Malmort a choisi parmi tous ses membres, très nombreux, vous deux. Honnêtement, lorsqu'ils vous ont envoyé, ils n'étaient peut-être pas très rassurés pour vous, mais vous ont normalement certifié que c'était qu'une mission d'exploration, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, et tout ce que vous avez à faire, c'est de traverser du coup cette région, aller voir la comtesse, et lui demander, mais pourquoi donc ne donne-t-elle plus signe de vie depuis tant de temps? Normalement, une mission qui ne devrait, du coup, en rien poser problème, c'est même plus la mission d'un messager que celle de membre de la brigade de la Malmort, mais bon... Pour cette fois, ça sera à vous de faire le travail. Vous êtes arrivé du coup par le nord-est, traversant du coup les grandes montagnes de qui supplantent, pardon, excusez-moi, la province. Voilà, excusez-moi. Du coup, vous arrivez par le nord-est, succombant du coup en montagne. Les montagnes, en fait, vous êtes dans un vent vraiment glacial. Vous êtes tous les deux, uniquement avec votre matériel et votre savoir. Vous avez voyagé déjà pas mal d'heures, hein, pour arriver jusque-là, puisque vous êtes parti vraiment du plus nord, de plus au nord, excusez-moi, du royaume. Et vous continuez tout simplement la marche. La marche est, pour le coup, aride. Hein, et je vais demander, du coup, au cobaye qui compose cette équipe, de me lancer un D6 pour une information personnelle. 1. Très bien. Pendant ce temps-là, j'aimerais savoir, vous venez de trouver abri dans une espèce de petite reclument dans les pierres qui vous permet de vous mettre à l'abri quelque temps du vent glacial qui compose cette... cet environnement. Vous savez que les montagnes sont assez propices à donner ce genre de vent très aride, très dur et très rude. Du coup, le temps de votre repos, le temps de manger rapidement et de reprendre chemin, je vais vous laisser le temps de vous présenter rapidement en quelques mots, sachant bien que je connais le jeu, je n'attends pas une description très détaillée, mais voilà, juste 2-3 mots sur qui vous êtes. Qui veut commencer? Bien... Je suis docteur Émilienne de Saint-Clair. Je suis une femme. J'ai les yeux verrons. Je porte donc un masque caractéristique des docteurs, évidemment, et de la brigade de la Malmort. Disons que je suis très porté sur la religion. Je suis très, très pieuse et pour moi... c'est très important d'avoir la foi et de la propager en même temps que je prodigue mes soins. Et bien sûr, ce qui va forcément avec la religion pour moi est de sauver le plus de personnes possible. Et voilà, bon, j'ai la chance de pouvoir, de savoir lire et écrire, hein, et de connaître... quelques compétences en médecine, voilà. Ah, en médecine. Oui. J'indique pour... vu que ton micro a bugué. Pardon, tout à fait. Du coup, je vais demander au deuxième joueur de se présenter. Eh bien, moi, je me nomme Caleb. Je suis reconnaissable Docteur par... Caleb. Docteur Caleb. Je suis reconnaissable par une grande tache de visage, une grosse tache de naissance qui me recoule le visage. Je suis souvent, parfois accompagné de petits rats. Je suis entre guillemets né pour aider les autres. C'est un petit peu mon idéal. Et ouais, c'est bon. Tout à fait. Effectivement, c'est un point qui vous unit tous les deux, qui est peut-être pour ça que vous avez fait connaissance au moment de rejoindre la brigade de la Malmort, c'est que vous êtes tous les deux, en fait, assez humanistes. Ce qui, vous le savez, est très loin d'être le cas de tous les membres de la brigade. Vous avez au moins cette vision plutôt optimiste de l'humanité et de votre devoir. Il est, bon, à vrai dire, sur les coups de peut-être 18h, 19h, le soleil commence à se faire un peu couchant. Quel est votre plan, du coup? Je rappelle que vous êtes dans cette crevasse. Elle sera sûrement pas assez nécessaire pour passer la nuit, à cause, tout simplement, que c'est qu'un petit renforcement et pas une réelle grotte dans laquelle vous pourrez trouver abri et chaleur. Le vent vous empêchera de tenir là plus longtemps. Bah, disons que ce qui pourrait être intéressant, c'est de rapidement quitter les montagnes pour au moins trouver... une zone moins froide, moins exposée au vent, et si possible de rejoindre un village ou un endroit avec quelques habitations pour avoir un lieu, hein, peut-être pour dormir, peut-être trouver des gens qui seraient susceptibles d'être soignés. Mais oui, l'urgence est de quitter d'abord ces montagnes, pour ma part. Tout à fait. Du coup, vu que ça a l'air d'être une amie, vous décidez de partir de là au plus vite. Après, vous êtes rassasié et reposé quelques minutes. Vos jambes un peu flébardes à force de toute cette marche qui vous a été demandée. Vous décidez du coup de continuer votre chemin au cœur de ces montagnes. Le chemin va être long, ça va pouvoir durer quelques heures. Vous savez que vous avez bien entamé, mais les montagnes sont un cap assez important à franchir, et malheureusement pour vous, le côté, encore une fois, rude hein, du terrain va vous faire perdre pas mal de temps. Je réfléchis, mais il me semble du coup que la personne la plus résistante de vous deux est, il me semble, Dr. Kalem, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Du coup, tu pourras plus ou moins, entre guillemets, prendre les devants du groupe, même si c'est un groupe composé que de deux personnes. Exactement, ça va être les devants d'un couple. Vous allez pouvoir prendre les devants de ce groupe hein, pour mener de l'avant ton collègue, qui, lui, forcément, hein, ça fait quand même, encore une fois, quelques heures que vous marchez et... pour l'instant, le repos n'a pas encore été très luxueux. Je vais demander du coup un des 6. Bah du coup, au cobaye, vu que c'est toi qui es devant. 5. Ton jet d'esprit est 2. Enfin, ton corps d'esprit. Enfin, ton... Mon esprit est de 3. Ok, c'est donc un échec. Très bien. Et bah du coup, je vais demander à notre deuxième ami de lancer un dé avec du coup un malus de -1 sur son résultat. 6. On est aveugle. Et ton score est de D'esprit, j'ai 4. Alors, ok. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas un malus de -1, c'est un malus de +1. C'est moi qui donc qui j'ai 7. Donc tu as 7 sur 4, tu as dit. C'est ça. Très bien. Du coup, vous continuez votre route. Honnêtement, le chemin se fait toujours aussi long. Il se passe rien. Vos conversations avec tous ces heures ont fini par être... écourté, c'est-à-dire que même avec une petite amitié peut-être qui se crée entre vous deux, au bout de des heures et des heures de marche, la conversation devient difficile à combler. Et en plus de ça, votre fatigue semble faire en sorte que vous n'êtes pas apte à repérer certaines choses sur le chemin. Mais peut-être est-ce votre volonté à aller directement au plus vite hein, qui est en train de parler. Vous continuez du coup encore une heure à marcher dans ces montagnes. Vos pieds vous font mal et la nuit commence vraiment à tomber de manière assez certaine. Et des hurlements de loups au loin vous inquiètent un peu sur le temps que vous mettez à traverser. Mmh. Ah ! Que je sache, ou quelle direction décidez-vous prendre d'ailleurs ? Là, je parle purement du coup sur la carte. Hein. Par où vous vous dirigez ? Bah, personnellement, j'aurais imaginé se diriger en 10-4. Ouais. Pour faire en fait l'espèce de diagonale 9-4-8-5 pour se diriger vers le village qui est en contrebas. Ouais, ouais, ouais, ensuite partir vers le sud. Donc en 10-4, si. Ouais, ça me paraît pas mal aussi. Mais au moins vous êtes d'accord sur cette étape là de la direction que vous prenez. Du coup vous continuez à marcher. J'aimerais savoir à peu près avec toute cette fatigue etc, quel est un peu vos votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes un peu en appréhension? Vous rentrez à peine hein, dans cette région que vous savez abandonnée depuis un petit moment par la cour et par elle-même vu qu'elle ne donne pas de nouvelles. Voilà, je veux un peu savoir comment vous ressentez la chose. Bon, que moi, je vais dans mon livre. Personnellement, je pense que... Alors, je ne regrette pas d'être venu, hein, parce que je suis là quand même pour sauver des gens. Mais je commence un peu à m'inquiéter, parce que je ne m'attendais pas forcément à tout de suite avoir des soucis sur le chemin. Et puis je ne suis que docteur après tout, hein. Je ne suis pas un pisteur ou quoi que ce soit, je ne suis pas montagnard. Donc je commence un peu à m'inquiéter sur il se fait tard, les loups qui commencent à hurler à la mort. En parlant de loups, alors que vous êtes en train de franchir les cols les plus hauts de la montagne, ce qui vous permettra de bientôt pouvoir sortir de cette zone montagneuse, en tout cas pour un premier temps, vous tombez sur quelque chose d'assez peu rassurant. Un cadavre d'animal face à vous. Quelle sorte d'animal ? Une petite bête. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 3. C'est une réussite cette fois. Il me semble. Oui. D'ailleurs, oui, je vais vous le demander, mais envoyez-moi une petite capture d'écran de juste vos compétences, comme ça je saurai directement si c'est une réussite ou un échec. D'accord. Et j'arrêterai de vous demander, ça ira plus vite. Je vais faire ça tout de suite. Avec le magnifique logiciel que... Je peux continuer. Pas de RP, s'il vous plaît. Désolé. Pas de soucis. Pour cette fois. Merci. Tu es en train de t'en occuper Oui, oui, mais j'essaie de trouver... Ok. Vas-y. Je vais continuer, du coup. Du coup, pour te répondre, une marmotte. Ouais, c'est ça dont je cherchais. Il n'y a pas à quoi de rêver. Tu es dans une montagne, on est dans un air glacial. Ouais, ça fait sens. C'est totalement logique. Et la prochaine fois que tu rigoles, tu pourrais perdre un point. Fais gaffe. Oui. C'est une marmotte, du coup, qui a été, tu peux le regarder, dévorée, du coup, au niveau de sa chair et que, dont le corps vous est juste laissé là. Je vous autorise à chacun un geste supplémentaire, si vous voulez. Ah, faut que je fasse un jet, là ? Oui. Tu as le droit. 4. Tu n'es pas obligé, tu me diras. Je fais 4, c'est juste... Esprit, c'est une 4. Réussite. Et moi aussi, je fais 4. Et toi, c'est un échec. Okay. Fort heureusement que toi, tu es là, du coup. Puisque, du coup, Emilienne, quelque chose te paraît étrange avec ce cadavre d'animal. Si ce n'est pas sa présence, que sa présence est tout à fait cohérente pour toi ici, encore une fois, on est dans un terre glacial, en montagne. Par contre, elle a été dévorée de manière beaucoup plus violente que font les loups. C'est vrai que les loups sont certes des prédateurs, mais ne disséquent pas autant la proie, c'est-à-dire que maintenant que tu t'y intéresses, des morceaux de chair, il y en a quasiment sur les 4-5 arbres qui vous entourent, quoi. Oui, c'est barbare, quoi, un peu, quoi. Très barbare. Surprenant. Est-ce que je peux appeler un de mes rats et voir comment il réagirait face à la carcasse? Tu peux siffler dans ton sifflet, ce qui, du coup, va... vu que tu les as éduqués pour, on va amener un de tes petits rats. Qui arrive tout fragile dans ce monde-là. Et il va me faire, s'il te plaît, un jet d'esprit. Un jet, tout court. Pas mauvais, Laura. Laura, qui n'est pas particulièrement paniquée, en même temps, il n'y a pas de prédateur immédiatement autour de lui, du coup, s'approche de la proie et regarde un peu de manière intriguée... il regarde, tu sens qu'il tentait de goûter un peu, peut-être, l'animal au sol, mais aucune raison qu'il soit attaqué, après tout. Est-ce que, quand je regarde l'animal, je vois des morsures, ou c'est déchiqueté, genre arraché, sans... Enfin, tu regardes, et effectivement, c'est déchiqueté, et effectivement, par des morsures. Ce qui te paraît, par contre, très étrange, c'est que la morsure, en fait, vu que tu étudies de manière plus détaillée ce corps, sans prendre de part en part totalement la marmotte, comme si l'écrou était capable d'être beaucoup plus large qu'elle et la prendre en une fois. Donc en gros, c'est plus... la mâchoire est plus grosse qu'un loup standard, quoi. Enfin, qu'un loup... Ok. Ouais, je commence à stresser encore un peu plus. J'en fais part à Dr. Caleb, évidemment. Ça pue! Un peu. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez reprendre chemin. Et je pense que soit il faut trouver un abri rapidement, soit il faut presser le pas. Il n'y a aucun animal de notre connaissance qu'on connaît qui aurait cette gueule-là, non? Après, des animaux, il en existe énormément. Il connaît les animaux, il en connaît beaucoup des animaux. Tout à fait. Mais je réponds même sans jet, c'est qu'il en existe énormément. Et certains, comme par exemple des ours, pourraient largement faire ça. Après, les ours s'attaquent rarement aux marmottes. Enfin, la question, c'est pas vraiment que c'est infaisable, c'est plutôt que c'est un peu étonnant. Mais ce n'est pas non plus de l'ordre de quelque chose de surnaturel qui revient renverser tous les codes de la physique que vous connaissez pour être expliqué, quoi. C'est juste que c'est genre hyper étonnant, tu vois, ça demande des probabilités assez étranges qu'il y ait un ours qui passe par là, qui tombe sur une marmotte, qui la mange alors que c'est pas sa nourriture, enfin voilà, ça... Très bien, c'est juste une grosse morsure. Exactement. C'est juste une grosse morsure causée par un animal, mais après tout, est-ce si grave? Ok. En tout cas, bien, du coup, mon ami, je pense que il faudrait soit se presser, soit presser le pas, soit trouver un abri rapidement. Et honnêtement, je pense que mes compétences ne sont pas très étendues en termes de montagne, donc je pense qu'il serait préférable de se hâter. Ouais, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un endroit à côté, je sais pas, une sorte de grotte ou de... Ah, est-ce qu'on peut essayer de regarder un peu le relief? Là, en fait, le problème, c'est que vous êtes au passage à la montagne qui laisse le moins d'aspérité se créer, donc moins de grottes, moins de ce genre comme ça. Ah, donc, il va falloir absolument continuer le chemin. Donc, on se hâte. On se casse. On met la deuxième, on passe à la seconde. C'est ça. Vous hâtez. Gardons peut-être en tête cette étrange rencontre, mais vous continuez le chemin, de toute façon. Pas trop le choix. Tout à fait. Rapidement, Vous continuez du coup à vous enfoncer dans les montagnes et vous savez que plus vous avancez et plus vous allez enfin pouvoir sortir de cette zone montagneuse. Vous rentrez dans une espèce de col. Ce col correspond au 10-4. Vous avez enfin quitté la zone 11-3. Oh. Ce col est normalement, sauf si vous désirez plonger dans une certaine direction, et peut être potentiellement la dernière étape montagneuse à franchir. Vous vous enfoncez du coup dans cette direction et il va falloir passer ce col qui est un peu le dernier col à passer pour vous. C'est très venteux. Et quand je dis très venteux, c'est que le vent souffle d'une puissance qui vous a jamais été donnée de voir, sûrement amplifiée du coup par le fait que ce soit un col. C'est glacial. Le froid que vous sentez jusqu'à présent n'est rien comparé à ce que vous sentez là tout de suite maintenant. Vos membres deviennent gelés. Vous avez tout simplement le bout des membres qui quasiment ne réagissent plus à votre demande. Vous demandez si vos pieds sont encore en état, en bon état. Et si jamais, si vous avez un problème, si vos mains seraient capables de vous rattraper. Ah, ah ouais. Vous suivez ces chemins qui sont serpenteux. Vous passez par un col et vous passez en fait de montagne en montagne. Ces chemins-là ne sont pas particulièrement longs, mais vous savez que c'est le bon chemin, vous devez vous accrocher. C'est par là peut-être que vous arriverez enfin à trouver votre répit après toutes ces zones montagneuses. Mmh. J'aimerais demander du coup un jet, s'il vous plaît, à chacun d'entre vous. 2 pour moi. Très bien. Alors, vous continuez du coup à vous avancer du coup dans ces chemins. Le froid continue à être hyper agressif. Pour Emilienne, pour toi, c'est ce qui passe un peu plus. Tu le fait de moins entendre l'hurlement des loups. Te rassure finalement et te donne force d'avancer, te disant que plus tu t'en éloignes, mieux ça ira. En tous les cas, vous continuez tous deux chemins. Toi, Caleb, c'est assez difficile à vivre, mais la motivation de ton ami te permet de. Allez, viens. D'avancer. Viens, alors j'essaie de le tirer avec moi. Vous arrivez du coup à un passage extrêmement dérobé, très fin, où vous ne pourrez passer qu'un à un. Vous avez, tout simplement, vous êtes à flanc de falaise, et vous allez devoir passer comme ça le petit contour pour réussir, du coup, à atteindre la fin de cette montagne et aller bien, après tout. Je tiens à dire, Caleb, que tu sens tes membres vraiment, vraiment très gelés. Ils semblent avoir énormément de mal à réagir à ton action et tu penses que la nuit tombée ne t'aide en rien à ça. J'essaie de frictionner mes mains le mieux que je peux, de souffler dessus, le truc de base que tu fais, quoi. S'il te plaît, me lance un dé. 3. Ok. Tu avances. Et Emilienne, alors que tu es en train de continuer le chemin dérobé, d'un seul coup, tu entends un énorme bruit, un fracas derrière toi. Caleb vient de glisser. Il a son dos qui vient de frapper sur le sol et est en train de partir tout simplement vers le ravin. J'essaie de le rattraper si j'y arrive. Très bien, allez. C'est le moment de faire un 1. Je fais un 2. C'est bien. Tu arrives, tu enchoppes son bras, et au moment où tu chopes son bras, tu entends un énorme craquement, un énorme crrrr. Aïe! La douleur, Caleb, est intense. Ton membre semble ne plus réagir, et par chance, ton ami ne te tient pas par la main, mais par l'avant-bras, parce que tu n'arrives même plus à serrer ta main. T'as l'impression d'avoir perdu toute sensation dans ce bras. Ah, bordel! tu tentes de le remonter. Allez, tu tires de toutes tes forces. À chaque fois qu'il tire, ça te lance une douleur vive dans tout le flanc de ton côté. Même si ça va rien. Tu le remontes. Ses genoux atteignent le sol. Et une chose t'horrifie, Minienne, c'est que tu vois que son bras droit semble entre le froid, cette blessure, et peut-être même ce vent glacial, devenir extrêmement bleu, au point que tu suspectes une gélure. Oh putain. Ah, il faut essayer de réchauffer ton bras. Il faut que on essaye de le cacher de l'isoler du froid. Bordel, ça fait froid. Ouais, mais du coup on a rien forcément avec sur nous pour ça. Fais quelque chose. Je sais pas. Une étincelle. Avec le vent qui des fait. Des as de médecin, mais. Tu sais une chose, des fois la seule possibilité pour ne pas que ça s'empire et du coup que ça atteigne d'autres parties de son corps. C'est tranché, mais. Oui. Mais. C'est démembrement. Est-ce que. Fais-le ! Vas-y ! Est-ce que il va survivre à ça ? Je sais pas. C'est gelé ! Vas-y, fais-le ! Écoute, ouais, je vais le faire. Ça fait trop mal, putain. On va se mettre à un endroit un peu plus stable, parce que là, bon, on est quand même à la flanc de falaise. Tu traînes ton ami vers la fin du coup de ce col. Malheureusement pour elle, c'est sur la fin, en plus qu'elle... Ou heureusement, que ça te donne une situation stable. Mais dans tous les cas, tu te mets dans une zone plutôt stable. Le fait d'y voir un peu plus te persuade de ce qu'il y a. Il y a des parties totalement gonflées, violacées. Son bras est dans un état assez dégueulasse. Et tu dis que peut-être vous auriez dû surveiller ça un peu plus pendant le trajet. Parce que ça ne il s'est pas plein, comme ça, normalement. Donc j'ai pas su. Moi, ah, si, j'ai eu à la mort. J'ai eu ça à la allait, mort. Ça allait pour moi, donc je me suis dit, bon, c'est pas. Bien sûr. Mais le moment n'est pas ce moment. Oui, non, de toute façon, voilà, je m'apprête à tout ça. Je pose son bras sur une surface plane et vas-y. Je sors donc mes ustensiles et donc ma scie. Je vais avoir une scie peut-être ou mon épée, je ne sais pas. Une scie, vous avez les petites scies. Ouais, d'accord. Elle n'est pas très efficace, ça risque de prendre un peu de temps. Mais je lui fais un garrot au niveau du haut du bras. Je serre très fort. Voilà. Je lui donne un petit mort en fait en bois. Serre-moi ça un petit peu. Tu vas du coup te mettre devant le bras et commencer à rentrer ta scie dans sa chair. Et là... Chaque coup enfonce millimètre par millimètre. T'es obligé d'y aller. Par chance, entre guillemets, le côté enjure rend la douleur peut-être un peu moins forte que si c'était pas le cas, mais on va pas se mentir, la douleur est là et la chair s'enfonce. Petit à petit, la lame du coup s'enfonce dans la chair et tu vois la chair se découper petit à petit. Malheureusement pour toi, tu espérais que ça soit rapide, en 3-4 coups, que ce soit débarrassé, mais malheureusement, ça continue de très longues minutes pour vous deux. Vous demandez à quel point ce moment sera éternel pour vous, comparé au vrai temps qui se passe. Peut-être que vous avez peut-être que 2 minutes, mais pour vous, c'est peut-être une heure qui se passe en termes de ressenti. Parce que forcément, trancher peut-être le bras d'un ami n'est pas le plus joyeux et se faire trancher le bras est extrêmement. Ça, ça demande une bonne situation. Ce que je vais faire une fois que j'ai coupé, et je vais cautériser au mieux, donc je vais essayer de faire un tout petit peu de feu. Sur un endroit où bon, lui il est un peu dans le sac, il est tombé dans les pommes parce que la douleur était trop intense. Donc je vais prendre ma lame cette fois-ci de l'épée que je vais déposer sur un petit feu. Et une fois qu'elle sera bien rouge, bien. Le feu n'est pas possible dans cette situation-là à cause du vent. Shit! Eh bien, même... je. Oui, la cotérisation ne sera pas possible immédiatement, il faudra attendre un peu. Et je vais lui faire un bandage, faire un bandage voilà, serré. De secours. Question, est-ce qu'avec le froid mordant, justement, ça ne se cotérise pas tout seul, entre guillemets? C'est pas c'est, ça. Bah, ça participe, c'est vrai, c'est comme pour la douleur, comme je te dis, c'est peut-être un peu moins pire, mais bon, c'est vrai que ça fait pas non plus le boulot. Ça saigne moins, c'est moins, il y a moins de sang, parce que... Dans tous les cas, s'il vous plaît. Tu effectivement lui fais un petit bandage de secours, supposant que et le froid et le bandage serviront au minimum pour le tenir en bonne santé. Quant à toi, du coup, Caleb, tu peux retirer de manière définitive, hein, puisque ce n'est pas soignable, à part si tu es un lézard, un point de corps sur ta fiche. Et du coup, me renvoyer un screenshot pour que je puisse suivre la conversation. Yep. Merci. Pour savoir, maintenant, cette épreuve passée, Caleb amputé, le moral peut-être un peu saqué. Quelle direction d'ailleurs vous prenez pour la suite, hein, maintenant que vous êtes en bas de ces falaises, c'est le moment de choisir entre deux chemins. Du saqué, on en aura besoin déjà. Bah, en fait... Ta-ta-ta, j'ai dit quoi sur les blagues? Bah, du coup... Je suis un peu embêté parce que je sais pas si tiendra le fait qu'on aille encore un peu en 9-4. Puisqu'il y a encore des montagnes. Alors je sais pas si c'est des montagnes encore très dans la même catégorie que 10-4. Mais il faut aller au plus vite pour aller dans le village. Donc je pense qu'il faut prendre le risque maintenant malheureusement. Alors attendez. Il faut prendre le risque. Caleb a droit de donner son avis malgré le fait que. Oui. Après je lui dis ça. Enfin moi non, c'est ce que je dis à Dr Caleb. Attends. Bien sûr. Et moi ce que j'attends maintenant c'est son avis. Donc toi tu voudrais continuer par les montagnes en 9-4, c'est ça? Ouais, pour essayer d'aller au village qui se trouve juste après le plus rapidement possible pour te soigner quoi. Sinon on n'a rien. Après je sais pas, peut-être que si on descend un peu plus vers le sud. Plus chaud, donc plus potentiellement de plus de possibilités de faire un feu. C'est ça. Je pense que selon moi dans cette situation, ça sert à rien de rusher. Enfin, je sais pas. Après, pour rejoindre le village, oui. Après, on pourrait toujours, oui, tu as raison. On pourrait toujours, faire un petit détour pour éviter la montagne et retourner au village par la suite. Oui, tu as raison. Je pense que je pourrais toujours te soigner dans des températures plus sympathiques. Et puis on pourra espérer de croiser un petit cours d'eau, histoire de laver tout ça. Oui, hein, on est d'accord. C'est donc de passer par 10-5 alors, c'est ça? Tu veux un 10-5? Ouais. Vous, du coup, descendez de la montagne par le chemin le plus court qui vous évite de continuer un peu dans cette ambiance. Et effectivement, hein, l'un d'entre vous est quand même amputé. La marche devient encore plus douloureuse qu'avant. Mais c'est pour trouver repos que vous décidez de passer par là. Rapidement, vous êtes heureux de quitter ce vent qui était glacial, qui était agressif. Ça vous permet au moins de vivre dans une situation qui, certes, n'est pas non plus des plus parfaites, mais un peu plus agréable à vivre. Vous traversez, du coup, des terrains pas très variants. C'est plutôt, en fait, des plaines que vous traversez. Ce qui fait plutôt du bien. Tu attendras. par rapport à ça. Et par manque de vie, hein, vous êtes en même temps vraiment à toute bordure hein, de cette région, donc vous savez que tout ce qui est ville, etc. est un peu plus bas, et de ce que vous connaissez de la carte, les habitations ne sont pas vraiment par là. Votre joie, en fait, sera plutôt ailleurs, hein, au moment de tomber sur une source d'eau chaude. Celle est... Malheureusement, toute boueuse, cette eau, comme si elle s'était mélangée à la terre récemment. Mais malgré tout, il y a une source, d'eau chaude naturelle hein, qui vous fait face. Elle est énorme, en fait, hein, c'est une espèce d'énormes crevasses, quoi. Remplies de boue chaude, vraiment, pour le coup. Et vous êtes face à ça, c'est pour l'instant la seule chose sur laquelle vous êtes tombé de ce trajet. Et du coup, si un docteur a une question ou une réaction, je suis tout ouïe. Alors, dans un premier temps, ce que je n'avais pas pu faire la première fois dans la montagne, c'était de cautériser la plaie, puisque la plaie est toujours à vif pour l'instant. Donc comme le vent n'est plus là, est-ce qu'il y a moyen de trouver du bois, un peu des branches, quelque chose pour faire du feu ou pas? Ah, tu trouves rapidement tout ce qu'il faut, et puis encore une fois, tu es à côté d'une source d'eau boue chaude, donc tout la est végétation. Plutôt bien dans l'atmosphère. D'accord. Du coup, je vais faire un feu. Je vais une nouvelle fois demander à Dr. Caleb de mettre un petit bout de bois entre ses dents. Et tu me vois mettre mon épée bien rouge, bien chaude, et je vais plaquer très rapidement l'épée sur le moignon, en fait, pour brûler. Une fois que j'ai fait ça, je vais voir si la boue, parce que je sais que de mes connaissances, il est possible que ça peut être une boue un peu argileuse qui a des vertus selon la cicatrisante. Donc si est-ce que je peux analyser l'eau et la boue pour voir si ça tu me lances 2d6, hein, vu que tu as une compétence. C'est à toi normalement de demander, mais là je sais que tu l'as. Tu as des compétences en médecine, donc tu vas perdre. Je fais 1 et 1. Bah, c'est bien, t'as vachement le choix, du coup tu prends lequel. Du coup, tu as effectivement raison, hein, ce genre de choses peut des fois être assez bénéfique, et donc du coup c'est ce que tu as tenté de faire en priant pour que tes connaissances soient bonnes. Et effectivement, lorsque tu allais appliquer du coup sur ce morceau de bras amputé du docteur Caleb, ce dernier, qui a 4 de corps, va pouvoir repasser à 5. Tu vois que ça va lui faire un énorme bien. Voilà. Merci. Mais du rien. Bon, tu ne pourras jamais repasser à 6 parce que c'est un bras perdu. Oui. Mais tu es retourné à ton maximum actuel, c'est-à-dire 5. Ça t'a du coup soulagé, et c'est déjà ça de prix. Fais-moi du coup, s'il te plaît, un deuxième jet, Emilienne. En 2-6 ou... Enfin, 2 ou 1 seul. Un seul. 4. Très bien. 4, ça donne une réussite. Très bien. Du coup, quand tu as pris cette argile, t'as senti quelque chose d'un peu étrange quand même dans cette eau bouillose, comme si... en fait, en prenant, simplement, t'étais tombé sur quelque chose de plus dur. Je sais pas vraiment, c'est peut-être un objet tombé, c'est peut-être un animal qui s'est noyé, hein, ça serait pas étonnant. Mais voilà, ça t'a... Juste une petite indication. T'es tombé sur un truc qui a peu fait résistance. Mais... Est-ce que je peux essayer de creuser ou voir si je peux voir ce qu'il y a... Si tu veux creuser, en tout cas de manière un peu plus profonde, à cause de la chaleur qui se dégage, il faudra que tu fasses un jet, parce que tu risques de des brûlures, du coup. L'inverse même de notre ami, même si lui c'était des brûlures de froid. Ok, donc c'est de l'eau chaude, mais bien chaude en fait. Si à la surface c'est juste chaud de manière agréable, dès que tu vas enfoncer ton bras plus profond, ça va être... de plus en plus chaud. Et donc du coup je suis ému par la curiosité du médecin. Je vais tenter, mais je ne suis pas récompensé. Je vais 5. Tu as fait 5. Très bien. Tu plonges du coup tes bras pour essayer de creuser, mais rapidement tout ce que tu arrives à en faire, c'est de les ressortir à cause de cette sensation de brûlure intense que tu ressens du coup. Tu es rempli de boue, du coup, hein, jusqu'à l'avant-bras. Mm-hmm. C'est jusque là, à peu près, tu t'es enfoncé. Et tu as une douleur, du coup, vraiment intense et vive. Ouais, ouais. Comme si tu venais te brûler. Mm-hmm. Oui. Même si tu as l'impression que t'es quand même pas resté assez longtemps pour avoir une vraie brûlure, mais c'est la même sensation. Et de toute façon, t'as encore de la boue sur toi, donc... Ouais. Mais écoute, bon bah, je te laisse tomber. Hein. Très bien. C'est pas la bonne musique, je vais changer ça. Du coup, en attendant, dites-moi... Non, on rigole pas, s'il vous plaît. Attention, j'ai commencé à vraiment mettre les malus. Hein. Dites-moi, du coup, en attendant, vers quelle direction vous comptez vous rendre maintenant, pendant que moi, je sors ranger la musique. Personnellement, j'irai en 9-5 pour moi, pour ma part. Ouais, on commence à s'approcher de la ville. Ouais, du village. Il y a un petit village en 8-5, donc... Un peu mieux. Très bien. Vous, après ça, continuez. Vous quittez ces plaines-là pour vous diriger, du coup, vers l'ouest. Pour rejoindre, je suppose, Du coup, je note que vous suivez pas le chemin déjà tracé. Vous passez, du coup, par les sentiers à côté. Malheureusement pour vous, cette région n'est pas si accueillante que ça. Elle est très brumeuse. En plus de ça, la nuit est déjà tombée, donc, autrement dit, votre visibilité est méga réduite. Vous n'y voyez absolument rien. Vous, du coup, vous enfoncez dans cette région. Vous entendez de très très loin les derniers échos, très lointains, hein, vraiment, juste portés par le vent, des hurlements de loups qui vous étaient si proches il y a quelque temps auparavant. C'est vrai que ça peut avoir un effet un peu rassurant, vous dire au moins que eux ne sont pas à votre portée. Par contre, dans ce brouillard, qu'est-ce qui est à votre portée? C'est une toute autre question. Vous vous enfoncez. J'aimerais que mon cobaye, d'ailleurs, me lance un D6. Ah, 6? Un 6... Très bien. Vous, du coup, vous enfoncez dans ces régions toujours brumeuses. Votre orientation est très très compliquée. En plus de ça, vous n'avez pas de quoi vraiment vous repérer outre votre orientation habituellement. Donc là, ça va devenir vraiment plutôt compliqué, entre la nuit et ce brouillard. Vous dites pourtant que vous êtes maintenant à quelques lieues du village, et que normalement, une fois sorti de ce brouillard, ou peut-être au milieu de ce brouillard même, va se trouver votre répit. Votre déception, sûrement, se trouvera au moment où vous êtes enfoncé dans une zone plutôt enneigeuse, de comprendre que vous êtes retrouvé, non pas en plein milieu, parce que vous avez quand même, vous êtes plus intelligent que ça, mais déjà un peu enfoncé dans une montagne. Pour dire vrai, vous êtes pas totalement retourné en arrière, hein, sur vos pas, non, bien meilleur que ça. Vous êtes au niveau, du coup, du 9.4. Si ça peut vous aider à vous repérer, et sur la carte, et pour votre prise de notes. D'accord. J'aimerais, du coup, que mon cobaye me relance un D6. Très bien. Et du coup, j'aimerais savoir, comprenant que vous avez pris malheureusement à cause de la zone précédente la mauvaise direction, vous en 9.4, vers où vous vous dirigez? Est-ce que donc là on c'est la nuit. Est-ce que il fait froid là où on est? Bien sûr. Je veux dire, un des membres a perdu il y a pas longtemps. Oui, non, mais genre là, on est retourné dans une zone froide en fait. Aussi froide que. Aussi froide parce que vous êtes arrêté avant. Enfin, vous avez. Ah ouais, voilà. Vous êtes du coup au creux. Vous êtes sur de la neige et vous êtes au creux de remonter une montagne. Okay. Et justement, c'est pour ça que je vous dis. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, je pense. Direction. Qu'étant donné que notre sens de la. Broken, il faut se diriger vers l'endroit le plus chaud. Oui, enfin, après c'est quand même compliqué de te diriger sur le chaud. Si on voit la neige, au niveau de la chaleur. Ouais, mais là il fait nuit, donc en même temps la neige, on voit pas grand chose. Et c'est toujours brumeux. Enfin, il y a toujours de la brume, un peu brouillard. La brume s'est dissipée petit à petit, comme ça vous avez pu remarquer votre erreur et que vous prenez la mauvaise direction. Oh, okay, par d'accord. Contre, si vous retournez sur vos pas, vous savez que vous allez retourner sûrement dans la brume. La brume semble bien ancrée. Ouais. Je vous rappelle, vous êtes au 9-4. Vous pouvez aller sur n'importe quel hexagone adjacent. Oui. Après, si on arrive à retrouver... Enfin, si on est dans le 9-4 et qu'on a la chance de pouvoir trouver a priori ce qui ressemblerait à un chemin... pour nous diriger vers le village qui est en 8-5 puisque c'était à la base notre destination tout à fait. Depuis le début. Maintenant, vu que tu nous dis qu'il n'y a plus de brume, je pense que on peut avoir vu sur ce malgré tout sur ce chemin où la nuit est trop dense, enfin trop noire. Cherchant. Ça va vous prendre un peu de temps, mais tu vas effectivement, suite à une intuition très très bien trouvée, hein, tu vas juste utiliser des repères que tu voulais utiliser à la base, tu retrouves le chemin, donc tu sais que tu vas pouvoir l'emprunter pour justement retourner, enfin pas retourner, mais aller pour, du coup au village. Du coup, vous deux, sauf indication du contraire, vous décidez du coup d'emprunter ce chemin pour aller au village. Vous allez marcher encore quelques heures. Vous commencez à vraiment fatiguer, hein, je tiens à dire, vous avez passé toute la veille à marcher, si ce n'est les derniers jours, mais au début vous avez eu la chance d'être transporté, mais malheureusement, personne ne veut vraiment aller dans le sud du royaume à cause de la Malmort, donc vous avez dû finir à pied. Et voilà, d'une ou deux heures supplémentaires de marche, autrement dit, pour certains membres à qui il en manque un, ça peut être... très ardu ce qui est en train de se passer mentalement et ça demande quand même une certaine volonté de continuer. Dans tous les cas, vous arrivez au bord de ce village tant désiré. Enfin, il est là face à vous. Mais chose marquante, toutes les portes sont ouvertes. Quand vous arrivez, c'est la première chose que vous voyez, toutes les bâtisses, toutes les maisons ont la porte ouverte, ce qui n'est rarement bonne facture de faire, surtout en pleine nuit. Je regarde si vraiment il n'y en a pas au moins une qui est fermée. Un geste, s'il te plaît. Un. Eh ben, tu es sûr et certain que tout, absolument tout, est ouvert. Bah dans ce cas-là, je pense qu'on va se diriger vers la première maison et puis rentrer avec prudence. Vous allez tous les deux du coup vers la première maison. Chose étonnante, les bougies sont encore allumées, qui est normalement signe de vie hein, puisque les gens vivent avec les bougies hein, pour s'éclairer. Je rappelle qu'on est en 1366. Mais faites-moi s'il vous plaît tous les deux un jet. Et même même. Ah oui, bah oui, d'accord, très bien. Il y a, quand vous rentrez, du coup, une odeur forte qui était déjà présente en fait, maintenant que vous y pensez, dans la ville, mais à l'intérieur, qui est beaucoup plus présente, mais vous n'arrivez pas à identifier ce qu'est cette odeur. Oui. Sinon, donc, la maison est vide, si ce n'est les meubles qui la composent et les bougies allumées. Il n'y a aucune trace particulière au sol, sur les murs. Regardes. Tu regardes le sol, tu regardes le mur, mais rien ne te saute aux yeux. Donc, oui, moi, je vais regarder, alors ça paraît très étonnant, mais est-ce qu'il y a des traces d'une nourriture ? Ah, pardon, excuse-moi, tu as bugué. Suppose que tu as dit nourriture ? Ouais, je vais essayer de regarder s'il y a des traces de nourriture. Pas étonnant. Très bien. Tu regardes, et s'il n'y en a pas directement sur la table, comme s'il y avait un repas récent, les placards, entre guillemets, c'est pas vraiment des placards, hein, c'est plus une espèce de morceau de bois qui a été posé pour entreposer sûrement leur stock. Ça, par contre, est effectivement composé de nourriture fraîche, non périmée, comme vos rations. Je sais ce que tu as en tête, Docteur Caleb, mais non, il ne faut pas faire ça. Nous ne pouvons pas décemment voler ces gens. Oui, tu as raison. Pour l'instant, il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe ici. Ces maisons sont vides. Je vire un petit peu cette idée de ma tête, malgré moi. Est-ce que il y a d'autres pièces dans cette maison ? Soit une chambre, un étage. Vraiment, donc, à besoin de rentrer, ce n'est pas une maison vraiment de riche, donc non, c'est une. C'est une maison composée d'une seule pièce. Hein, vous entrez, ouais. Il y a le lit, la table, la petite cabane qui a la nourriture. Quand si vous enfoncez au cœur du village, vous trouverez peut-être des bâtisses plus importantes. Ouais, je pense que oui, on va faire une autre maison de toute façon. Maintenant, on a fait le tour de la première, on va essayer de se faire sur la deuxième. S'il y a une sorte d'auberge ou de mini-chapelle dans les parages. Il y a les deux, à vrai dire. Il y a une église du dieu local. Il faut savoir, quitte à mettre un peu d'histoire, mais en fait, il y a un culte principal qui est celui de l'église. Mais dans le royaume, en fait, beaucoup de gens ont des divinités inférieures, en fait, des mineurs. Et en fait, de manière locale, on a tendance à souvent les célébrer. Ce qui, d'ailleurs, donne souvent des excuses à l'église pour faire certaines choses rigolotes. Je t'autorise à rire parce que là, c'est voulu. Dans tous les cas, il y a du coup une petite église pour une divinité locale que tu ne connais pas, mais qui n'a pas l'air plus étrange qu'une autre. Et il y a aussi une auberge qui, de toute façon, les deux bâtiments sont grand ouverts, il n'y a personne. Et tout est en état, en impact. Par contre, comme ça fait un petit moment où vous y êtes, que vous fouillez, relancez-moi chacun, s'il vous plaît, un jet d'esprit. 4. Et ben voilà. Et ben tous les deux, à force de rentrer et... Peut-être ça te vient au moment de rentrer dans l'église, mais oui, cette odeur, c'est du bois mouillé. Il y a dans tout le village, et encore plus dans chacun des bâtiments, une odeur de bois mouillé. Bois mouillé. D'où pourrait provenir cette odeur? Enfin, on est d'accord que dans ce village, toutes les baraques sont faites en bois. Donc c'est tout le village qui sent le bois mouillé. C'est ça. Ça sent absolument partout. Ok. C'est très chelou. Et il n'y a personne dedans. Est-ce qu'il y a... Je sais pas, il y a une... Enfin, il doit y avoir un puits au centre du village. Tu peux effectivement aller chercher un puits. Tu en trouves un. Ouais. Je vais regarder s'il est... Enfin, s'il y a de l'eau, s'il n'y en a plus, si... Tu regardes dedans et il y a de l'eau de manière classique. Tu peux sortir un seau, tu sais. Il se fait tard là quand même. On est quand même dans tard dans la nuit. On est fatigué. On vient de subir beaucoup de choses, notamment. Ouais. Et toi, tu es amputé d'un bras. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu commences un petit peu à subir le contre-coup de ce qui se passe. Je te propose. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, mais après tout, il faut quand même qu'on se repose, on n'a pas le choix, donc on va profiter quand même de que ce village soit là et que l'aubaine et de l'aubaine qu'on a. Bien sûr, on ne prendra rien, mais on va aller dans une des maisons, celle qui aura peut-être la plus grande cheminée pour se faire un feu. Je propose même que du fait de notre grand cœur, on rentre dans l'auberge, on dépose chacun une pièce sur le comptoir. On monte, on allume le feu dans la cheminée de l'auberge. On se réchauffe comme ça, puis on se prend des couchettes à l'auberge. Oui, après si tu veux, on peut faire ça. Et qu'on ouvre le brasier de l'auberge. De toute façon, le feu est encore une fois déjà allumé. Ah oui, ah, c'est déjà allumé. Bon, c'est parfait. C'est vrai. Donc, vous pouvez laisser, si vous voulez, chacun une petite... On a encore des provisions sur nous ou pas du tout? Bien sûr. Vous avez donc encore on va puiser dans nos propres réserves de nourriture. Pour pas manger. Pour longtemps d'ailleurs, mais oui, normalement, vu que vous n'êtes plus très loin normalement de la cité, c'était prévu. Du coup, on va puiser dans nos provisions, essayer de se reposer un maximum, se mettre en sécurité. Donc, personnellement, je vais fermer la porte de l'auberge. On va aller chacun dans une des chambres et se reposer. Mais toujours quand même avec mon épée pas très loin. On ne sait jamais. On dort avec nos épées. Voilà. Je vais demander du coup au docteur Caleb de couper son casque quelques instants. Oui. Effectivement, vous êtes allé vous coucher, hein, ça y a pas de souci. C'est plutôt sur la nuit elle-même qui va être compliquée. Surtout pour toi, qui a peut-être pas vu les heures les plus heureuses. Après, en tant que docteur, professeur, tu as plus connaissance de certaines pratiques de la brigade Malmort, dont certains de tes collègues peuvent être considérés plus comme étant... ça dit que réellement scientifique. Mais il ne semble pas que ce soit ton cas. Tu te sens en tout cas toi fiable en termes d'esprit. Mais cette nuit-là, cette journée en tout cas, t'as... comment dire, tu as été surchargé d'émotions plutôt négatives, de visions pas très heureuses, et ça s'est ressenti dans ta nuit. Tu te réveilles. Non, en plein milieu de la nuit, la lune est énormément visible. Très énormément visible. Elle est deux fois plus grosse que sa taille normale. Elle surplombe totalement toute l'auberge. Tu es seul, tu fais quoi? Donc en gros, je me suis réveillé, j'ai un peu de mal à dormir parce que du coup je sens quand même mal à l'aise dans cet endroit. Ça suscite un petit peu une inquiétude, voir un village comme ça totalement ouvert à tout le monde sans une seule personne présente. Du coup, je machinalement, j'ai la main posée sur mon épée et j'écoute. Je suis dans l'écoute totale. En fait, j'essaye d'entendre le moindre bruit, voir si il y a pas quelque T'entends chose de bizarre. Un murmure, quelque chose de léger, lointain, comme un son étouffé, comme si des gens essayaient de parler au-dessus d'un son, de quelque chose qui les étouffe. Et ça, c'est ce son, il vient dans, de quelle direction? Ah, est-ce que j'ai une idée? Il a l'air de venir du rez-de-chaussée de l'auberge. Ben, doucement, je vais ouvrir la porte de ma chambre. Tu ouvres la porte de ta chambre. Elle grince énormément la porte. Eh bien, maintenant qu'elle est ouverte, de toute façon, je vais essayer de me déplacer en direction des sons. Avec mon épée face à moi. Tu te déplaces. Tu entends ce son étouffé qui vient juste d'en dessous du plancher. Comme des hurlements lointains qui essayent peut-être d'appeler. À l'aide. Des hurlements qui comme si ça venait en dessous de moi, comme s'il y avait une trappe ou quelque chose. Je vais essayer de regarder si je vois quelque chose, une trappe ou qui peut me permettre d'aller en dessous. Tu regardes autour de toi, il n'y a aucune trappe, que du plancher posé. Mais ça vient d'en dessous. D'en dessous. C'est bizarre, ça. Il n'y a aucune trappe. Mais il y a quelque chose qui appelle. Comment faire? J'essaye de... J'entends distinctement. Enfin, quand j'entends... Non, c'est brouillon, c'est un peu lointain, un peu... Mais ça vient d'en dessous de la maison. Tu as un plancher. Ta lame. Éclairée par le feu de la cheminée. Est-ce que je peux essayer de... Avec ma lame, de... Pile poil là où j'entends un son, de peut-être... Casser une latte du sol, ou enfin si c'est quelque chose que je peux tu casser peux. Ou pas, je sais pas. Essayez. Tu, avec ta lame, te mets à enfoncer du coup dans le sol. Planches, dans une des planches. Et petit à petit, la planche se brise sous ta lame. Tu crées un trou suffisant. Ce que tu y vois, t'es frais au plus haut point. Ce que tu vois, c'est des morceaux de cadavres qui sont avec des espèces d'excroissances en œuf sur eux, qui sont totalement pâles. Et tout à coup, tu sens une présence derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes. J'ai toujours mon épée. Ta lame, aussi. Bien entendu. Tu te retournes assez lentement. Malgré ta volonté, normalement, de vouloir réagir au quart du tour, un poids qui t'oblige à te retourner lentement. Et ce que tu y vois, c'est une espèce de créature. Comment définir ça? C'est semblable à d'énormes mouches. Qui serait au corps terminé, enfin qui serait du coup avec un corps terminé par des jambes très maigres, mais humaines. Et espèce de mélange du coup humanoïde et de mouche. Oula. Qui te fait face. À ce moment-là, tu te réveilles dans ton lit, à l'auberge. Avec à tes côtés le docteur Caleb qui va revenir. Morgane. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a Caleb, tu viens juste de te réveiller après cette nuit de repos. Et réveillé du coup par cet hurlement sursaut de Emilienne. Ok, je fonce dans sa chambre avec le. Vous avez dormi plus ou moins dans la même salle. On est à côté. Ah d'accord, ok. Bon bah je me lève en bond avec les feux, prêt à transpercer quelque chose. Je me regarde. En fait, je me regarde. Tu te regardes. Tu es en qu'est-ce qu'il y a? Bien composé. Emilienne, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je sais pas. J'ai l'impression que c'était réel. C'était cette nuit. Je me suis réveillé pendant la nuit et j'ai entendu des murmures, des plaintes qui venaient d'en bas. Et je me suis levé, je suis descendu. Ça venait d'en dessous le plancher. Et comme il n'y avait aucune trappe, il n'y avait rien, avec mon épée, j'ai réussi à casser une planche. Et j'ai vu des corps atrophiés. Mais c'était horrible et c'était à moitié humain. Enfin, et d'un coup, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné, et j'ai vu en face de moi une espèce de humain mi-homme mi-mouche. C'était horrible et d'un coup, okay. je me suis réveillé là. Est-ce que je... Ok, essaie de te calmer déjà. Essaie de remettre tes pensées en ordre. Je donne un verre d'eau. Avec mon épée qui doit être à côté, je commence à m'entailler un petit peu la main. Je lui prends son épée, mais direct. C'est l'épée des mains. Machinal, tu vois, c'est vraiment... je lui prends l'épée des mains. Je l'empêche de faire ça. Et écoute, tu as subi un grand choc. Bois ce verre d'eau, ça fait du bien. Essaye de respirer. Je me relève un peu, je m'assois. Tout ceci est totalement fou. Contre le mur, il faut qu'on arrive à garder pied sur terre. Je bois un peu d'eau, mais. J'ai du mal à saisir si c'est vrai ce qui s'est passé ou si c'est un cauchemar littéralement. Écoute, t'étais dans le lit là. Ouais, mais pour moi c'était vrai. Enfin, j'ai pas eu l'impression. Oui, mais ça existe les très bons cauchemars. Ça existe, ça peut être. Il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on descende. Ah, c'est pas. Non, de toute façon, il faut qu'on aille voir. Il faut que je sache. Il faut que je sache. De toute façon, il faut bien qu'on fasse quelque chose, on va pas rester dans cette chambre. C'est sur votre carrière, oui, mais on va aller explorer l'autre. Oui, mais descendons, allons voir si je l'ai fait ou pas. Bon. Ok. Tu vois que je te suis un petit peu, mais je garde pas mes distances, mais je suis vraiment en mode parier à toute éventualité. L'arme au clair. Ok, du coup je me lève, je prends avant, les deux. Oui. Avant que tu sortes, je te stoppe. Par contre, tu me refais plus ce coup là. Pas d'entaille. Ok, faut y aller. Voilà. Je descends en premier. Descendez du coup. Oui. Quand tu arrives en bas, oui, vas-y. Je t'autorise. Vas-y, attends. J'avais une proposition, mais... Ouais, attention, hein. Pour une fois que je t'autorise. Tu descends du coup en bas. Tu tombes du coup sur le hall où tu as vécu tout ça. Tu ne vois, en tout cas, quand tu rentres, la première chose que tu vas chercher, je suppose, est un trou dans c'est le sol. C'est l'endroit où j'ai fait... N'y voit aucune trace de plancher abîmé. Le feu est toujours allumé, un peu en train de s'attiser avec le temps. Cette odeur de bois humide commence à devenir très très impestante. Mais le sol n'a rien. Ok. Et on n'entend pas de plaintes ou machin ou quoi que ce soit. Tu n'entends rien, effectivement. Je tape un bon coup sur le sol avec mon pied, histoire de voir si ça fait quelque chose. Ok. tu tapes un gros coup et si ce n'est le bruit d'un bois qui résonne, effectivement, il n'y a rien. Très bien, voilà. Non, mais je serais presque tenté de l'enlever, cette planche, quand même. Voir. Ah, non, mais... On va pas aller désosser la maison. Ouais, mais... C'est pas notre maison, quand même. Je crois-moi, c'était tellement réel. Oui, mais justement, enfin... Et il y a toujours personne, ici. On a toujours personne, ça n'a pas de sens. Ouais. Honnêtement. Du coup, est-ce que tu l'ouvres ou pas? Je vais le faire. Il faut que je regarde quand même. Tu enfonces du coup ta lame dans cette planche. Tu as l'impression d'avoir déjà fait ça, donc tu t'y prends de la même manière. Rapidement, la lame du coup s'effondre et tu tombes La lame s'effondre. Oui, bien sûr, le plancher, je voulais dire. Oui, le plancher cède en fait. Le plancher cède. C'est ça. La lame fait s'effondrer le plancher, pour la phrase complète. Et du coup, tu ne tombes sur rien d'autre que ce qu'il y a en dessous d'un sol. Donc, surtout que là, on est au rez-de-chaussée, donc c'est des fondations. Donc il y a un petit mélange de bois, de terre, ce genre de choses pour tasser les planches que ça ne soit pas totalement creux. Okay. D'accord. Tu ne vois... Tu vois bien qu'il n'y a rien. Ouais, mais il fallait que je sache. Honnêtement, je... C'est juste un cauchemar. Il fallait que je... Bon. Il fallait que je sache. Ça va mieux maintenant. J'ai fait un cauchemar. Allez, ça va aller. Mais... Je tapote un peu dans le dos. Du coup, une fois la matinée remise sur pied, grâce à cette petite nuit de repos, malgré le fait que vous ne soyez pas dans la meilleure de votre forme chacun, il va être l'heure du coup de reprendre la route. J'aimerais savoir du coup quel chemin vous empruntez à partir de la carte, toujours. Vous êtes en 8-5, où allez-vous? Je pense qu'on peut suivre le chemin, tout simplement. Le chemin qui va vers la ville. Au moins, déjà, on aura un repère visuel qui permettra de ne pas... Voilà. Et on pourrait tout à fait tomber sur des gens qui emprunteraient ce chemin par la suite. Et aussi, question, on est sûr d'avoir assez de nourriture pour aller en ville et pour revenir, pour l'instant. Alors, pour revenir de la ville, non. Mais pour aller en ville, aller voir la comtesse et normalement là-bas recevoir votre nouvelle provision, oui. D'accord. Ok. Écoute... On y va. Donc, 7-5. Vous quittez ce village pour, du coup, continuer les chemins. Vous êtes content que ce qui se dresse face à vous, c'est des plaines, des forêts, ce genre de choses, et non plus des montagnes. Après tout, pour certains, les montagnes vont devenir un mot peut-être interdit dans les temps à venir. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est surtout une énorme rivière, en fait, qui traverse cette région que vous traversez. Vous allez pouvoir du coup la suivre, parce que le chemin en fait suit plus ou moins la rivière, si ce n'est le chemin fait un peu un serpentin, mais finalement à chaque fois que vous vous éloignez, vous finissez par retomber sur cette rivière. Mmh. Cette parcelle de route est plutôt tranquille, même peut-être un tout petit peu trop calme. Le seul point peut-être qui peut vous marquer, c'est que, au bout d'un moment, le chemin touche... Enfin, le chemin continue, là où la rivière, entre guillemets, touche à sa fin. Puisqu'en fait, elle rentre dans une énorme grotte. Seul point qui vous a un peu marqué, parce que tout le reste est très banal, il y a juste ça. Cette énorme grotte qui a une dimension assez disproportionnée, qui est assez grandiose, et dans lequel la rivière semble continuer son chemin. Mmh. C'est... le seul élément. Et mis à part indication du contraire, vous continuez du coup votre chemin. Vous allez donc, comme vous me l'avez indiqué, suivre la route. Il va falloir du coup passer, malheureusement, par un marécage. c'est la dernière étape normalement avant d'arriver aux portes de la ville. Vous, du coup, vous enfoncez petit à petit dans ce marécage. Mmh. Effectivement, hein, vous avez raison d'être un peu soucieux de ce qui peut s'y passer. Un marécage est un milieu plutôt hostile par nature. Et malheureusement, entre un membre amputé et l'autre dans un état mental un peu moins stable que précédent, rien ne semble si encourageant pour vous. Vous enfoncez du coup. Vous enfoncez parmi les branchages qui sont tordus, humides. Ça tombe bien. Du coup, il y a une petite odeur de bois qui se de bois humide qui se dégage de ce marécage, vous rappelant un village non loin que vous avez visité. Ouais. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs pour le mieux hein, en termes de santé mentale. Mais qu'importe, vous continuez votre chemin. J'ai du mal avec tout ce qui est insectes et de type mouche. Justement, cobaye, peux-tu lancer s'il te plaît un des 6. 4. Très bien. Donc, vous continuez votre route. J'aimerais savoir, du coup, à cette étape-là, un peu vos prévisions. Une fois arrivé au port de la cité, ou même maintenant dans le marécage, votre état d'esprit, du coup, s'il est plutôt présent, passé, futur, est-ce que peut-être vous regrettez le moment où vous étiez juste à la brigade au cœur de la capitale, je ne sais pas. Dites-moi tout. Oh, moi, je regrette vraiment surtout mon bras. Il y a de quoi. Ouais, non, je fais vraiment une fixette. C'est quand même une partie de moi qui s'est envolée, quoi. C'est terrible. Moi, je suis encore un peu dans la... Même si le fait d'avoir cassé ce plancher pour voir qu'il n'y avait rien en dessous m'a un petit peu rassuré, je suis quand même encore dans la vision de cauchemar que j'ai eu cette nuit. Rentrer dans ce marais n'améliore pas mon état mental. D'autant plus que voilà, s'il y a des mouches et tout ça, ça me garde encore dans un peu ce stress. Je me gratte beaucoup, un peu en mode le stress fait que je ça fait mécanique quoi. D'ailleurs, avec tout ça, tu auras de manière un peu gentille, mais juste un petit point moins de corps entre l'auberge et maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Parce que... Il en est que du coup, vous continuez à traverser ce marécage. Et malheureusement pour... Vous tombez sur quelque chose que vous aurez peut-être préféré ne pas connaître. Vous, au milieu, du coup, comme je disais, de ces branchages, de cette humidité, se trouvent plusieurs cadavres. Ah. Mais vous aurez peut-être aimé que ce ne soit que des cadavres. Ce qui va terrifier notre personne ici présente, c'est que ces cadavres sont parsemés d'amas d'œufs jaunes. Par conséquent, je vais demander un test d'esprit à cette personne. Voir comment le docteur réagit à cette situation. C'est parfait. Docteur, vous êtes dès à présent en situation de stress. Donc, je te laisse gérer le stress. Je ne sais plus quel était ton stress à toi. Ah bah, c'est ce que j'ai fait déjà un petit peu avant tout à l'heure, c'est-à-dire m'utiliser. Ce qui veut dire que... Est-ce que je vois qu'il est totalement paniqué et que je peux essayer de l'aider et lui donner un bonus ? Alors, Pas tout de suite. Parce que malheureusement, à l'apparition de l'état de stress, la perte de points de corps est immédiate. D'accord, ok. Donc tu vas te blesser immédiatement de manière assez profonde pour du coup te retrouver qu'à 2 points de corps. Mais, peut-être plus flippant encore, quelque chose semble sortir du marécage derrière ces cadavres. Je dégaine. Tu te tiens en position de combat, tu dégaines. Quant à toi, docteur, comment réagis-tu avec tout ce qui vient de se passer? Tu es en état de stress, tu vois ces cadavres aux amas jaunes, qui sont des œufs, et tu vois quelque chose en sortir du marécage. Ah, moi je suis en flip total. J'ai mon épée, mais en mode. Je tremble de partout. C'est ça là. C'est ça. Tu pointes deux doigts et tu répètes ces mots. Et d'ailleurs, du coup. Cher docteur, ce que tu comprends, c'est que s'il y a adversité maintenant, tu risques de te retrouver seul vu que ton ami semble être dans un état totalement paniqué. Ressaisis-toi, c'est pas le moment de flancher. Ce qui sort, c'est quoi, cette chose, du marécage, c'est une espèce d'énorme corps de mouche de taille démesurée et qui se finit avec des jambes humaines. Oh. Cette image... L'un d'entre vous la connaît déjà, l'autre la découvre. Il n'y en a pas moins de deux qui vous font face. Et alors que vous réalisez que deux viennent d'en sortir, vous remarquez que deux autres sont déjà sur vos flancs. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'avoue que je suis un peu en état de choc, c'est un peu compliqué. Je le prends par le bras et je le force à courir vers l'opposé où ils sont. Très bien, tu le chopes par le bras, tu commences à courir, tu cours, fais-moi un jet s'il te plaît. Les deux d'ailleurs. Deux. Trois. Très bien. Ok. Vous courez, malheureusement, celui qui est sur le flanc se met face à vous. Malgré tout, ça vous permet d'avoir de l'avance au moins sur les trois. Il se met à cracher une espèce de gros liquide verdâtre. Et faites-moi un jet, s'il vous plaît. Okay. 6. Très bien. Vous êtes rempli de ce liquide. Il vient de le vomir directement sur vous. Il semble pas d'avoir d'effet immédiatement. Par contre, du coup, qu'est-ce que vous faites? Le combat semble quasiment inévitable, en tout cas, si vous voulez abattre lui pour fuir les trois autres. Puis eux, vous avez pris un peu d'avance sur eux. Je vise les filles. Très bien, donc du coup, on va rentrer en phase de combat. Les phases de combat, c'est très simple, du coup, pour les expliquer très très très rapidement. C'est des situations qui sont considérées dans le jeu comme complexes, et donc du coup, ça fonctionne par 3. Vous allez tous les deux, du coup, jeter des D6. Le premier qui fait 3 succès, du coup, va permettre une victoire. Le premier qui fait 3 échecs va se retrouver KO. Mais on va faire point par point, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous expliquer rapidement parce que c'est votre première session. Ce qui explique pourquoi j'ai été plutôt tranquille jusqu'à présent. Donc du coup, commence Morgane, parce que tu es le premier du coup à me lancer, s'il te plaît, un des 6. Alors 6. Très bien, ça commence par un échec. Tu arrives et alors que tu vas pour planter ses chevilles, il se met à tout simplement avec son corps décharnu de mi-mouche, mi-homme, à te serrer contre lui, ce qui te fait une douleur immense. Et tu perds d'ailleurs un point de corps. Aïe. Bah du coup, ma chère Emilienne. Moi, je vais faire un mouvement, mais un peu en mode... je sais pas ce que je fais, je vais taper sur lui, mais... j'avoue que je suis un peu traumatisé. Tout à fait. 5. Je suis tellement traumatisé que Et c'est du coup la même chose, tu essayes, tu te dis que ton ami n'est pas dans le meilleur des états et il faut que t'agisses, même si là, à vrai dire, je pense que tu aimerais juste ne pas être là, tout simplement, c'est la seule pensée que tu as. Et pareil, il commence à te serrer aussi. Il vous a tous les deux contre lui. Et compresse, compresse, compresse. Vous vous sentez s'enfoncer dans sa chair. Est-ce que tu perds aussi un point de corps. Non. Bien sûr, et du coup tu me lances un D6. Ah ! Ça, c'est beau. Du coup... très joli, tu arrives et tu plantes, ce qui te permet toi de te dégager de son entrainte. Malheureusement, ton ami y est encore. D'ailleurs, ton ami, lance un D6, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à t'en sortir ou pas. Ou si tu perds peut-être ton dernier point de corps. Non. Tu vois, littéralement, mon cher docteur, puisque maintenant je ne peux parler que de toi, cette créature attraper ton ami et d'un seul coup l'absorber dans son corps. Elle a totalement disparu, tu es seul face à elle. Les trois autres sont en train de te rejoindre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que du coup, elle est en train de le dire? Version pour me casser. Alors tu as bugué, mais j'ai compris ce que tu as dit, donc tu peux tenter. Tu me fais un jet, s'il te plaît. 3. Alors que tu vois qu'elle vient de l'avaler, tu te dis c'est le moment ou jamais pour courir. Et tu te mets du coup à courir. Tu cours du coup dans ce marécage. Tu cours pour essayer de les distancer le plus possible. Effectivement, tu commences à t'éloigner du marécage, même à en sortir. Et par chance, tu arrives aux portes de la cité qui sont fermées. Tu peux souffler un bon coup. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Thank you.